Chapitre 9. L'histoire des chantres et la réponse à l'objection du ministère. Ce que l'histoire biblique dit clairement. Premier livre des Chroniques, chapitre 9, verset 33. Les chantres lévitiques du temple de Jérusalem étaient exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ils ne faisaient pas autre chose à côté. La musique était leur occupation principale, totale, exclusive. Néhémie 12:47 précise le dispositif financier. On donna les portions des chantres et des portiers jour par jour. Il ne s'agit pas d'un geste occasionnel de générosité. C'est un système organisé, quotidien, institutionnel. Néhémie 11:23 est encore plus explicite. Il y avait un ordre du roi concernant les chantres et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Un ordre du roi, un salaire fixe, jour par jour. La dîme du peuple alimentait ce système sans que personne ne considère cela comme une anomalie commerciale incompatible avec la sainteté du temple. Le temple ne pouvait être le lieu de la présence divine qu'à condition que les artisans qui le faisaient vivre soient dignement entretenus. L'objection, le service lévitique est aboli avec la loi. Objection courante. Certains rétorquent, le service lévitique appartient à l'ancienne alliance. Avec Christ, la loi est accomplie. Il n'y a plus de lévite, plus de temple, plus de système sacrificiel. Les seuls ministères valables aujourd'hui sont ceux que Paul cite, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, Éphésiens 4:11. La question de la rémunération musicale ne se poserait donc pas dans ces termes. Cette objection mérite une réponse directe en trois points. Premier point, le principe du salaire du travailleur ne repose pas sur le seul service lévitique. Il repose sur la nature même du travail humain, inscrite dans la Torah bien avant le temple et confirmée mot pour mot par Jésus lui-même dans le Nouveau Testament. L'ouvrier mérite son salaire est une parole du Christ, Luc 10:7, reprise par Paul, 1 Timothée 5:18. Si le service lévitique est aboli, le droit du travailleur, lui, ne l'est pas. Deuxième point, Paul, précisément, défend la rémunération des serviteurs de l'Assemblée en plein Nouveau Testament. En 1 Corinthiens 9, il développe longuement son droit à être soutenu matériellement dans son ministère et celui de tous ceux qui travaillent pour l'Assemblée. Il se compare explicitement aux soldats payés, aux vignerons qui mangent de son raisin, aux bergers qui boivent du lait de son troupeau. Ce ne sont pas des images lévitiques, ce sont des images universelles du droit aux fruits de son travail. Troisième point. Si l'on choisit d'abolir les droits économiques des musiciens au motif que le système lévitique est dépassé, on doit alors abolir de la même façon toute la structure institutionnelle qui s'en inspire, les grandes assemblées avec leurs estrades, leurs systèmes de son, leurs chœurs organisés, leurs concerts d'adoration, leur hiérarchie de worship leader. On ne peut pas garder le format lévitique et abolir les droits qui l'accompagnaient. Soit on reconstruit le temple avec ses lévites rémunérés, soit on accepte que l'ecclésia organique n'exige ni temple ni service gratuit forcé. Les deux positions sont cohérentes. Les mélanger ne l'est pas. Leçon 9. L'objection selon laquelle le service lévitique serait aboli ne tient pas pour trois raisons. Le droit du travailleur au salaire est confirmé par Jésus et par Paul indépendamment du système lévitique. Paul défend explicitement la rémunération des serviteurs en plein Nouveau Testament. Et l'on ne peut pas garder le format institutionnel lévitique en abolissant les droits qui l'accompagnaient.